بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Hadith commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. درس 19e leçon. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الآن سأسألك عن كلمات الجديدة نعم الدوائر الحكومية مصارف La fataye el fito. Être attiré. Attiré ou pas. Naam. Harakat el sir. Dil sir. Circulation. Naam, circulation. Maazin. Mouzolé. Hein? Mouzolé. Mouzolé. La. Minaret, minaret. Naam. El mouassassat el ta'alimiya. Là, on dira organisme. Organisme. Là-bas, c'est fondation d'âme. Moi, ça, ça, c'est les fondations. Mais là, on dira organisme d'enseignement. Raddun, bimana al-ijaba. Khitab, fielsala. Al-ramz, al-balidi. Le code postal. Naam, wa tarikh. أحسنت طيب وقفنا في التدريب الرابع هذا طيب يقول أكمل الجمل التالية باستخدام عبارة يطمئن على مثال ذهبت إلى الكلية ثم يقول نتيجة الامتحان يصبح ذهبت للكلية لأطمئن على نتيجة الامتحان يعني لأطمئن c'est pour se rassurer de quelque chose فنقول j'ai été à la faculté pour me rassurer des résultats de l'examen ou pour m'assurer des résultats de l'examen وهكذا فهمت اطمئن يطمئن تسبب لسرعة كفي قول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إلا بذكر الله تطمئن القلوب c'est pas par le rappel d'Allah l'évocation d'Allah que ça pèse les cœurs الجملة الأولى كتب محمد رسالة إلى صحة أسرته كيف تقول رسالة إلى والده ليطمئن على صحة أسرته نعم que Mohammed écrit une lettre à son père pour s'assurer de la bonne santé de sa famille. اطمئن نعم sur le nun. على أي وزن اطمئن افعل لا لا افعل لا افعل لا خمسي طيب أريد أن تذهب إلى السكن تجهيزي Là, c'est un soudain, c'est... Il fait la... ما هو خماسي سداسي حمزة ف عين لم ولمن أي مشدة سداسي أيوة تفضل أريدك أن تذهب إلى السكن لتطمئن على تجهيزه Je voudrais que tu ailles au dortoir pour t'assurer de sa préparation, qu'elle a été préparée, qu'elle a été rangée. Rabi'an, fahasa al-mushtari al-akmisha jayidan adadaha. Non, je ça. أرسل رسالة بالبريد المسجل وصولها أو وصولها أرسل رسالة بالبريد مسجل بالبريد المسجل ليطمئن على وصولها نعم qu'il a envoyé une lettre par courrier recommandé pour s'assurer sa bonne arrivée. Sajjal ou namana, on est recommandé. طيب رابعا فحص المشتري الأقمشة جيدا عددها. فحص المشتري الأقمشة الجديدة جيدا. ليطمئن على عددها. على عددها. على عددها. على عددها. نعم. que le client, on va dire, le mouchteri, c'est lui qui achète, a bien vérifié ou a bien analysé les tissus. Akmisha, c'est le diam de Kumash, les tissus, pour s'assurer de leur quantité, leur nombre. قرأها الطالب كثيرا حفظي قرأ الطالب كثيرا ليطمئن على حفظه نعم que le طالب étudiant beaucoup récité pour s'assurer de sa mémoire فحص الطبيب المريض عينيه Non, que le tabib va ausculter le malade, s'assurer de ses yeux, ses deux yeux. Le khamis, akmil el jumel et talia, kema fin namouzaj. Comme dans le modèle. Namouzaj yakoul, seyro, leiloun, naharoun. Asbaha, harakatu, seyri, fiha, mustamir ratoun, leilan wa nahara. Donc on a le mot, seyr. C'est-à-dire la circulation, Leil, nuit, Nahar, jour, c'est devenu. La circulation, il est continuelle, Fiha Mustamirun, permanente, continuelle, nuit et jour. Leilan ou Nahar. Taïb, Alek, Al-Nakl, Sabah, Masa'an. Ou Nanak, transport. يستخدم دبل معاني أخرى لكن معناه ترانسبور. Tu peux le dire pour d'autres trucs que le transport. حركة النقل فيها مستمرة للصباح ومساء. صباحا ومساء. نعم. Que les transports ils sont continuels matin et soir. السفر بر وجو Le voyage terrestre ou aérien. Barron. Barron. Barron. Là. برا حقا. لا regarde bien ce que le mot. جوا. نعم. البيع الشراء جملة مفرق يعني لا فونت اي لاشا ان غرو اي او ديتاي مفرق لا سو ديتاي. حركة البيع الشراء فيها مستمرة جملة ومفرقة مفرق مفرقا. الأمطار صيف الشتاء les pluies été et hiver. حركة الأمطار فيها مستمرة مستمرة مستمرة يرجع à quoi الأمطار لا non non مستمرة لا سنة خبر مستمرة سنة خبر اليوم ابتدى بس حركة الأمطار حركة دونك اللي موانف مثله وتقول حركة الأمطار فيها مستمرة سيفا وشتاء. طيب كملنا هذا. أطلع. يقول التدريب السادس أكمل الجمل التالية كما في النموذج. النموذج يقول كثرة المساجد أصبح وأكثر ما لفت نظري كثرة المساجد. Donc la première phrase c'est les deux premiers mots c'est la multitude de mosquées. Après, ce qui a le plus attiré mon regard, c'est la multitude de mosquées. Alayka bin nafs usloub ma al kalimat allati taht. Il y a biha aussi dans la phrase. Aktharu ma لفت نظري كثرة المساجد بها أي فيها dans la ville بها معنى فيها أكثر ما لفت نظري المستشفيات بها لا faut que tu gardes كثرة je pense كثرة كثرة كثرة فغشت نعم c'est ce qui apparaît à l'arbre كثرة المستشفيات بها. Ce qui a le plus attiré mon regard, c'est la multitude d'hôpitaux qui se trouvent. Al-Masarif, un ikasrat al-Masarif. Biha. Ce qui a le plus attiré mon regard, c'est la grande quantité de banques qui se trouvent. المؤسسات التعليمية وأكثر ما لفت نظري كثرة المؤسسات مؤسسة تعليمية بها نعم parmi ce qui attire plus mon regard une multitude d'organismes d'enseignement. حركة السير وأكثر ما لفت ما لفت ما لفت نظري كثرة الحركة السيرة السير حركة السير بها نعم ce qui a plus attiré mon regard c'est la grande circulation qui se trouve. الدوائر الحكومية وأكثر ما لفت النظر كثرة الدوائر الحكومية دوائر الدوائر الحيوية بها. Parce qu'il peut attirer mon regard, la grande multitude, on va dire, du cercle administratif qui se trouve. Al-Mazin. Al-Mazani, c'est le minaret. On peut dire Manara. On dit Ma'azin aussi. Ma'azin, c'est Ism Meken de Azana. C'est Yerot Ali Sa'af. Là, c'est les ambulances. Ah, ah. C'est Yerot Ali Sa'af, c'est les ambulances. Ah, les ambulances. أكثر ما لفت نظري كثرة سيارة الإسعاف بها. كثرة سيارات. نعم. سيارات. نعم. الإسعاف. سيارات الإسعاف بها. طيب. يقول سابع. استعمل كل كلمات من الكلمات التالية في جملة مفيدة. Donc, utilise le mot suivant dans des phrases sensées. Al-Masarif, c'est les banques ou les trucs comme ça. Aïwa. Fiha. Là. En fait, j'ai écrit Fiha Kathir. Aïwa, Fiha Masarif ou Kathir à toi. Tu dirais comme ça. Il y a beaucoup de. De banque, de change. Al-Aliya. Comment Al-Aliya? C'est la hauteur. Élevé. Non. Aïwa, tu fais d'elle? Non, je suis allé. Non. À s'élever, c'est les choses qui sont hautes. Les élévations. Un des. Tu peux dire Al-Bina? Al-Bina, Sharikat Wahariya. Hada Al-Bina, Sharikat Wahariya. Kif? Cette construction est élevée. Quoi tu dis Sharika? Ah ouais, parce que c'est quoi ce que la phrase là? هذا البناء عالية. لا، البناء سيا مفرد. عالية سيا سواء مؤنث مفرد وسواء جمع العاقل. دي عادي المباني عالية. مثلاً. ces constructions sont élevées. حركات السير. السير في مكة مستمر الليل والنهار. عيد. حركة السير في مكة. نعم. مستمرة. مستمرة. أيوه. خبر مرفوع. نعم. مستمرة. الأخبار. ليس كل الأخبار صحيحة. صحيحة. نعم. ce n'est pas toute info qui est vraie. خطاب. خطاب للأقربين من البر و... من بر ودين من بر و بر والدين أو سترحل يلزم. Là, tu es en train de dire que le discours aux proches, c'est. Min. Il fait partie de l'entretien des liens de parenté. Toi, vous avez dit Tabi Khitob Seyi. Hein? Le Khitob, là, c'est âme. C'est pas des mauvaises paroles. C'est bien le Walidain, non? C'est une lettre. Parce que moi, j'ai compris comme le Khitob, lettre. Ah, Fadel Marna. Après, dès que je donne lettre à ses parents. Donc, mon cross de cette la phrase, je voulais dire quoi? C'est le fait d'écrire assez, aux proches fait partie de la bienfaisance envers toi. Non, il est pas eu. Non, ça dépend ce que tu dis dedans, hein, dans ta lettre. Donc là, ils ont des lettres pour insulter ou pour réclamer leurs droits ou pour, tu vois. Il dit papa, tu m'as escroqué et tout, il m'a parlé de l'héritage de grand-père, de papy, tu l'as mangé et tout, crain, tu vois. On insulte son père, on dit je vais te tuer, tu vois. T'as l'âge, j'ai des couffards comme ça, ils menacent leur père de les tuer. Ça va, c'est pas vrai. Ou ils les menacent de les traîner en justice. Pour toucher la part d'héritage de papy qui est mort. Ou de mamie. Hein? Ouais. Tayeb, El Mahadem. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Quoi, mausolée? Ouais. Il y a des ulama qui l'ont autorisé. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça existait pas, ça. Hein? Ça existait pas? Ouais. Même si des ulama l'ont autorisé, c'est pas le wahi. Hein? Même si non, non, je suis juste ça pour tester, pour voir, parce que des fois, tu vas venir avec un hukm qui est vrai, et les gens vont dire, ouais, mais cher Foulan, il a dit qu'on peut. Donc qu'est-ce que tu lui réponds? Parce que les gens, ils aiment bien dire ça, tu vois. Ouais, mais cher Foulan, il a dit qu'on peut. Ouais, mais cher Foulan, après, n'ahta les mots, il a quand même dans la sunnah. Ah, mais cher Foulan, ma wa al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui n'est pas le sahih, non, les minarets, c'est pas une chose qui porte la sunnah. Bel Azid Bida'a ou Kazalik, il y a une autre illa, il y a une autre cause. Tu la connais pas? Tashabbouh bil Kana'is. Ça ressemble au clocher des églises. Les églises? Ouais, je vois, mais je vois. Si, elles ont une grande tour ouais. Où il y a la cloche. Ouais, la cloche. Ah, ouais. Là, ils disent que c'est Tashabbouh bil Kuffar. Que les. Le sahih dans l'islam n'était pas connu pour être comme ça. Naam. Tayyib. Le tadrib al-thamin. Is'el. Attends. اسأل عما يلي واستخدم في سؤالك كلمة مكر يعني question rose qui va suivre en utilisant le mot makar. Le makar, on va dire, serait pour le terme de endroit. C'est dans le terme de endroit là. Mais cela n'y a qu'ol. Maktab taslim et turud. Aina makar. Maktab taslim et turud. Ani le bureau de réception des colis. Turud, c'est le diable de tard. Qui veut dire colis. Paquet. Il dit où se trouve le lieu. Yani makar. L'emplacement. Tu vois, emplacement. Kazalik. Où se trouve l'emplacement, par exemple, du bureau de réception des colis. Mais nous, on dit plus en quel lieu se trouve, tu vois, en français. On va pas dire en quel emplacement se trouve la poste, par exemple. C'est-à-dire où se trouve la poste. Mais là, tu peux l'utiliser comme ça, ici. طيب نفس الشيء مع مكتب البريد المركزي لا بوست سنترال كيف تقول اين مقر مكتب البريد المركزي نعم إدارة الفنادق la direction des hôtels Wizaratu Siha, c'est le ministère de la Santé. Kulliyatu Sharia, la faculté de la législation, on va dire l'islam. Seken El Mohandisin. Résidence, on va dire le devis des ingénieurs. Maison, si on peut dire maison. Tu as fait le 9 ou le 10 ou l'un des deux. C'est Mouzarza. Hein? C'est Mouzarza. Lequel des deux t'as fait? En fait, pour l'exercice. Le Tassir, il te demande d'écrire une lettre à un de tes amis pour le féliciter pour une des occasions. Suivante. Ou qu'il ait trouvé un travail, ou pour sa. Qu'il ait construit sa maison, ou pour son mariage. Ou pour sa guérison d'une maladie. Après le hachir, c'est un peu le même, c'est une autre lettre avec d'autres éléments. Est-ce que tu as fait l'un des deux ? Hein ? Ni l'un ni l'autre ? Oh, mauvais élève. On va convoquer tes parents. Donne-moi ton cas de correspondance. Hein? Ça, ça met des heures d'école, ça. C'est elle, vas-y. C'est pas dramatique. Ah, monsieur, t'as compris. T'as fait un peu. Hein? Rasuluhu ala amel munasib. Qu'il ait trouvé un emploi. Munasib veut dire qu'il lui convienne. Bina ihi baytan. Qu'il ait construit une maison. Zawaji. Son mariage. Shifa'i min maradin. Sa guérison d'une maladie. Fakat. Non, mais laisse tomber, prends pas la tête avec un être. Oh, c'est un acte bien là. Oh, il y a les têtes. Un actuel. Hein? Là? Très والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاق.com